Exercice 6, page 108. A. Il est trop mignon. B. J'ai fait un beau don. C. Elle est trop mignonne. D. Qu'est-ce que Claude donne ?